La maison de grand-mère. La maison de grand-mère est à 5 minutes de marche des dernières maisons de la petite ville. Après, il n'y a plus que la route poussiéreuse bientôt coupée par une barrière. Il est interdit d'aller plus loin. Un soldat y monte la garde. Il a une mitraillette, des jumelles et quand il pleut, il s'abrite dans une guérite. Nous savons qu'au-delà de la barrière, cachée par les arbres, il y a une base militaire secrète et derrière la base, la frontière est un autre pays. La maison de grand-mère est entourée d'un jardin au fond duquel coule une rivière, puis c'est la forêt. Le jardin est planté de toutes sortes de légumes et d'arbres fruitiers. Dans un coin, il y a un clapier, un poulailler, une porcherie et une cabane pour les chèvres. Nous avons essayé de monter sur le dos du plus gros des cochons, mais il est impossible de rester dessus. Les légumes, les fruits, les lapins, les canards, les poulets sont vendus au marché par grand-mère, ainsi que les œufs des poules et des cannes et les fromages de chèvre. Les cochons sont vendus au boucher qui les paye avec de l'argent, mais aussi avec des jambons et des saucissons fumés. Il y a encore un chien pour chasser les voleurs et un chat pour chasser les souris et les rats. Il ne faut pas lui donner à manger, de sorte qu'il ait toujours faim. Grand-mère possède encore une vigne de l'autre côté de la route. On entra dans la maison par la cuisine qui est grande et chaude. Le feu brûle toute la journée dans le fourneau à bois. Près de la fenêtre, il y a une immense table et un banc d'angle. C'est sur ce banc que nous dormons. De la cuisine, une porte mène à la chambre de grand-mère, mais elle est toujours fermée à clé. Seule grand-mère y va le soir pour dormir. Il existe une autre chambre où l'on peut entrer sans passer par la cuisine, directement du jardin. Cette chambre est occupée par un officier étranger. La porte en est également fermée à clé. Sous la maison, il y a une cave pleine de choses à manger. Et sous le toit, un guelta où grand-mère ne monte plus depuis que nous avons scié l'échelle qu'elle s'est fait mal en tombant. L'entrée du guelta est juste au-dessus de la porte de l'officier et nous y montons à l'aide d'une corde. C'est là-haut que nous dissimulons le cahier de composition, le dictionnaire de notre père et les autres objets que nous sommes obligés de cacher. Et bientôt, nous fabriquons une clé qui ouvre toutes les portes et nous perçons de trous dans le plongée du guelta. Grâce à la clé, nous pouvons circuler librement dans la maison comme personne ne y trouve. Et grâce aux trous, nous pouvons observer grand-mère et l'officier dans leur chambre sans qu'ils en doutent.